Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. Souvenez-vous là, vous savez qu'on commence une grande tournée des folles justement, hein, un petit peu partout en Europe même, hein, pour l'instant. On a fait la Belgique, mais là on démarre un peu en Europe puisque après la folle d'Ougré. Voilà, celle qui habitait dans une rue sans nom, hein, sans rue, hein, une rue qui n'existait pas. Voilà, donc elle en a marre d'habiter chez les débiles profonds, hein. Et donc on a eu aussi la folle de Tournai. C'est vrai qu'on la comprenait moins, mais bon, là, elle gueulait. Oui, non, je sais pas si c'est sa sœur, peut-être de la famille. Oh, un petit ferme ta gueule, on le comprend quand même. Hein. Ouais, vite fait, vite fait. Enfin, elle criait en pleine rue. Et bien, ce matin, on va faire connaissance avec la folle marseillaise. Je m'en branle. Eh oui, il y en a marre. Eh oui, bah oui, mais elle s'en fout quand même. Bah oui, elle est aussi un petit peu. Elle est un petit peu pleine classe. Hein, oui. Voyez, ah oui. C'est clairement ça qu'on peut dire, effectivement. Voilà, donc là en fait, dans le principe, en fait, il faut savoir qu'il y a eu un accident de voiture. Et donc, du coup, bah, comme elle est un peu en tort, elle essaye justement de parler un peu avec les gens. Bon, évidemment, je suis pas sûr que ça aide beaucoup, mais bon. J'ai hystérique, hein, je m'en parle. Eh oui, ils sont pas des couilles. Bon, mec, oui. Que je te dise. Ah, quelle classe, quelle sympathie. Ah oui. Quelle femme agréable. Oui, c'est bien qu'elle le précise, hein, parce qu'on s'en était pas bien rendu compte, justement. Et où le problème? Mais il est où le problème? Mais qu'est-ce qu'il y a ici, hein? Il n'y a pas de problème, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un accident en tort, là, c'est pas grave. Mais non. Mais t'imagines, tu tombes comme ça sur une bonne femme, si tu fais un accident, bon, toi t'es en droit, tu dis, bon, allez, c'est pas dramatique, tu vois. Et l'autre, elle arrive, elle s'énerve. Ta gueule, je m'en branle. Mais qu'est-ce que c'est que ce dossier là? Faut qu'on mette la vidéo, puisqu'elle est. Elle est juste exceptionnelle, la meuf. Tous les matins, 6h-6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Je vais passer une nuit magnifique. Ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. C'est parti maintenant pour un petit flash des infos qui ne servent pas à grand-chose. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. Une altercation de toxicomane qui tourne mal. Exactement, suite à une marchandise de mauvaise qualité, la victime se serait emportée sur le dealer qui en réponse lui aurait planté son couteau dans le derrière à deux reprises. Et c'est d'ailleurs en état de choc que la victime aurait déclaré au policier « Cette histoire me trouve le cul ». Russie, du nouveau pour les Pussy Riot, elles ont reçu le soutien inattendu de Mireille Mathieu. Tout à fait, elle aurait réclamé l'indulgence pour ses filles qui risquent la prison, mais elle a été coupée par la chaîne de télévision russe, TV de Centre, avant qu'elle ne puisse chanter. Les Pussy Riot sont déclarés, à choisir entre Mireille Mathieu qui chante et le goulag, on préfère le goulag. Oui, ben moi aussi, ouais. Il braque une librairie et s'enfuit à vélo sans attendre le butin. Il semblerait que Lance Armstrong ait commencé sa reconversion. Bah pourquoi pas. Élection aux États-Unis. Obama a reçu le soutien de l'ancien président Bill Clinton. Lors d'un discours de près d'une heure, Bill Clinton, qui avait l'air un peu éméché, a déclaré « Amenez-moi cette Charlotte et un cigare, je vais vous montrer comment j'ai fait avec Monica Lewinsky ». Il aurait confondu la ville de Charlotte, où se déroule la convention démocrate, avec la stagiaire d'Obama. Et pour terminer, si vous aimez la littérature française et les exploits sexuels, lisez les fables de la femme fontaine. Oh là là, là. Eh oui, ça ne m'étonne pas que ça termine comme ça. Tous les matins, 6h-6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous. Vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. Et maintenant sur Fun Radio, Fun. Le ni oui ni non ni vous verrez bien avec Aline, la plus perdante de toutes. C'est le moins que l'on puisse dire. La plus perdante de toutes, c'est parti maintenant pour le ni oui ni non ni vous verrez bien. On va jouer avec Ferdinando ou Fernando. Ferdinando, tu as 40 ans, tu appelles de Dilbeek. Oh, le même endroit que Toff, tiens. Mais oui, quelle belle ville. Tu es peut-être voisin avec Toff. Quelle magnifique commune. On va savoir. Oui, accueillante. Mais très accueillante, surtout si tu parles français. Surtout si tu parles français, tu es là-bas le bienvenu. Le tapis rouge. Oh là. Voilà, les tifours et tout. Ah, tout est là, exactement, oui, c'est vrai. Et t'es en billet retour. Surtout le billet retour. Bon, t'es informaticien, ouais. Ferdinando, on va jouer au ni oui ni non, ni vous verrez bien. Le principe pour gagner un iPod. code, c'est de faire dire à Aline, et que toi évidemment tu ne le dises pas, il ne faut pas dire oui, il ne faut pas dire non, il ne faut pas dire je. Ah, je. D'accord ? Okay. Allez, c'est parti, une minute, conversation la plus logique possible face à Aline. Comme je le dis, c'est assez compliqué puisqu'elle n'a pas grand chose à dire. Elle est assez limitée, quoi, la Aline. C'est ça qui est dommage. Je te laisse pas faire. Donc on y va, Ferdinando. Et c'est parti. Ferdinando. Oui, bonjour Aline. Salut. Oui, bonjour Aline. Oui, bonjour Aline. Bah oui, bah. Mais non, c'est pas toi, tu l'as dit aussi, mais il l'a dit avant, quoi. Ah, j'ai dit ça. Et c'est là, on aurait pu faire une photo finish, hein, tellement vous avez été mauvais. Eh ben voilà, ouais, franchement. Ferdinando, le oui, bonjour Aline, t'as perdu. Oui, je suis désolée. Oui, bonjour Aline. Oui, Ferdinando. Alors là, vous taquez les deux. Ah, vous étiez bons tous les deux là. Ah, vous avez perdu tous les deux. Vous ne cherchez pas à comprendre. Hein. Bon, Ferdinando, bah écoute, malheureusement, c'est perdu, mais tu es le bienvenu. Tu retentes ta chance quand tu veux, évidemment. Hein. Vous n'avez pas été mauvais, vous avez été très. Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio. Le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. On va faire maintenant la question existentielle à base de suicide. Mais oui. Voilà. Mais quel thème exactement? Ben en fait, je me suis demandé si quand il pleuvait des cordes, ça rendait heureux les suicidaires. D'accord. Pourquoi pas? C'est une manière de voir les choses. Bon, c'est une alors, question. Ben oui, c'est, oui. Bon, on va appeler à Bissier. À Bissière, pardon. Bissière. Voilà, Bissière. On va appeler là-bas pour poser cette question-là. Allô. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que j'avais une petite question à vous poser. Je peux savoir si je le meurs. Oui, je suis Toff. Et vous-même, qui êtes-vous? Vous savez que vous téléphonez aux gens sans à vous. Oui, comme ça. Moi, moi j'aime bien. La délicat. Pas du tout, monsieur, enfin. Allô? Ouais. Il est trop tôt, monsieur. Merci, mais non, monsieur, il n'est pas trop tôt. Allô? Mais non. Non, il n'est pas tôt. Ça pourrait être plus tard, c'est sûr. Mais oui, moi, je suis d'accord. Bon, on va le rappeler encore un petit peu quand même, hein. Retour de retour à Bissière. Oui, excusez-moi, on a été coupé, vous n'avez pas le temps de répondre à ma question. Connardé. Ah. C'était charmant ça, connardé. Voilà. Je pense bien. Que c'est fait. C'est bien comme ça, on a appris un nouveau mot. Connardé. Je vois très bien en quelle langue ça se passe, mais bon, c'est pas mal. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio.